Le lendemain, on entra en grand silence au réfectoire. Les bonnes nous ordonnèrent de rester debout. Plusieurs grandes se tenaient très droites avec un air fier. Bonne Justine restait humble et triste au bout de la table, tandis que bonne Néron, qui avait l'air d'un gendarme, faisait les 100 pas au milieu du réfectoire. Elle regardait souvent la pendule en haussant dédaigneusement les épaules. Sœur Marie-Aimée entra en laissant la porte ouverte derrière elle. Elle me parut plus grande avec son tablier blanc et ses manches blanches. Elle marchait lentement en regardant tout le monde. Le chapelet, qui pendait à son côté, faisait entendre un petit bruit, et sa jupe se balançait un peu dans le bas. Elle monta les 3 marches de son estrade et nous fit asseoir d'un geste de la main. L'après-midi, elle nous mena dans la campagne. Il faisait très chaud. J'allais m'asseoir près d'elle sur une hauteur. Elle lisait un livre en surveillant d'un coup d'œil les petites filles qui jouaient dans un champ au-dessous de nous. Elle regarda longtemps le soleil couchant en disant à chaque instant « Que c'est beau ! Que c'est beau !» Le soir même, les verges disparurent du petit dortoir et au réfectoire, la salade fut retournée avec de longues spatules. À part cela, rien ne fut changé. Nous allions en classe à 9h30, et l'après-midi, nous épluchions des noix pour un marchand d'huile. Les plus grandes les cassaient avec un marteau, et les plus petites les séparaient des coquilles. Il était bien défendu d'en manger, et surtout, ce n'était pas facile. Il s'en trouvait toujours une pour vous dénoncer, par jalousie de gourmandise. C'était bonne Esther qui nous regardait dans la bouche. Quelquefois, elle s'attardait à une incorrigible gourmande. Alors, elle lui faisait les gros yeux. Puis elle lui disait, en la renvoyant d'une taloche, « J'ai l'œil sur toi !» Nous étions quelques-unes en qui elle avait grande confiance. Elle nous faisait pivoter, en faisant semblant de nous regarder, et elle disait en riant, « Ferme ton bec !» J'avais souvent envie d'en manger, mais les bons yeux de bonne Esther passaient devant moi, et je rougissais à l'idée de tromper sa confiance. À la longue, l'envie devint si forte que je ne pensais plus qu'à cela. Pendant des jours et des jours, je cherchais le moyen d'en manger sans me faire prendre. J'essayais d'en cacher dans mes manches, mais j'étais si maladroite que je les perdais aussitôt. Et puis, j'avais envie d'en manger beaucoup, beaucoup. Il me semblait que j'en aurais mangé un plein sac. Un jour, enfin, je trouvai l'occasion. Bonne Esther, qui nous menait coucher, glissa sur une coquille et lâcha sa lanterne qui s'éteignit. Je me trouvai à côté d'une bassine pleine, j'en pris une grosse poignée que je fourrai dans ma poche. Aussitôt que tout le monde fut couché, je sortis les noix de ma poche et, la tête sous les draps, j'en pris ma pleine bouche. Mais aussitôt, il me sembla que tout le dortoir entendait le bruit que faisaient mes mâchoires. J'avais beau croquer doucement et lentement, le bruit cognait dans mes oreilles comme des coups de maillet. Bonne Esther se leva. Elle alluma la lampe, regarda sous les lits en se baissant. Quand elle fut près de moi, je la regardai épouvantée. Elle dit tout bas, « Tu ne dors donc pas ?» Puis elle continua ses recherches. Elle alla jusqu'au bout du dortoir, ouvrit et referma la porte, mais à peine était-elle recouchée et la lampe éteinte que le loquet de la porte tapa comme si on l'ouvrait. Bonne Esther ralluma encore la lampe et dit, « Ça c'est trop fort !» Ce n'est pourtant pas la chatte qui ouvre la porte toute seule. » Il me semblait qu'elle avait peur. Je l'entendais remuer dans son lit, et tout d'un coup, elle se mit à crier. « Mon Dieu, mon Dieu !» Ismery lui demanda ce qu'elle avait. Elle nous dit qu'une porte ouvrait la porte à la chatte, et qu'elle venait de sentir un grand souffle sur son visage. Dans la demi-clarté, on voyait la porte entr'ouverte. J'étais très effrayée. Je pensais que c'était le démon qui venait me chercher. Au bout d'un long moment, on n'entendait plus rien. Bonne Esther demanda si l'une de nous voulait bien se lever pour souffler la lampe, qui n'était cependant pas très loin de son lit. Personne ne répondit. Alors elle m'appela. Je me levai pendant qu'elle disait « Toi qui es si sage, les revenants ne te feront rien. » Elle se tut en même temps que je soufflais la lampe, et tout de suite je vis des milliers de points brillants pendant que je sentais un grand froid sur les joues. Je devinais sous les lits des dragons verts avec des gueules tout enflammées. Je sentais leurs griffes sur mes pieds et des lumières sautaient de chaque côté de ma tête. J'éprouvais un grand besoin de m'asseoir, et en arrivant à mon lit, je croyais fermement qu'il me manquait les deux pieds. Quand j'osais m'en assurer, je les trouvais bien froids, et je finis par m'endormir en les tenant dans mes deux mains. Au matin, Bonne Esther trouva la chatte sur un lit près de la porte. Elle avait fait ses petits pendant la nuit. On rapporta l'histoire à sœur Marie-Aimée. Elle répondit que c'était sûrement la chatte qui avait ouvert la porte en se dressant vers le loquet. Mais la chose ne fut jamais bien éclaircie, et les petites en causèrent longtemps tout bas. La semaine suivante, toutes celles qui avaient 8 ans descendirent au grand dortoir. J'eus un lit placé près d'une fenêtre, tout près de la chambre de sœur Marie-Aimée. Marie-Renaud et Isméris restèrent mes voisines. Souvent, quand nous étions couchés, sœur Marie-Aimée venait s'asseoir près de ma fenêtre. Elle me prenait une main qu'elle caressait tout en regardant dehors. Une nuit, il y eut un grand feu dans le voisinage. Tout le dortoir était éclairé. Sœur Marie-Aimée ouvrit la fenêtre toute grande, puis elle me secoua en disant « Réveille-toi, viens voir le feu !» Elle me prit dans ses bras. Elle me passait la main sur le visage pour me réveiller en me répétant « Viens voir le feu, vois comme c'est beau !» J'avais si envie de dormir que je laissais tomber ma tête sur son épaule. Alors elle me donna une bonne gifle en m'appelant « Petite brute !» Cette fois j'étais réveillée et je me mis à pleurer. Elle me prit de nouveau dans ses bras. Elle s'assit et me berça en me tenant serré contre elle. Elle avançait la tête vers la croisée. Son visage était comme transparent et ses yeux étaient pleins de lumière. Isméris aurait bien voulu que sœur Aimée ne vînt jamais vers la fenêtre. Cela l'empêchait de bavarder. Elle avait toujours quelque chose à dire. Sa voix était si forte qu'on l'entendait à l'autre bout du dortoir. Sœur Marie-Aimée disait « Voilà encore Isméris qui parle. » Isméris répondait « Voilà encore sœur Marie-Aimée qui gronde. » J'étais confondue de son audace. Je pensais que sœur Marie-Aimée faisait semblant de ne pas l'entendre. Pourtant, un jour, elle lui répondit « Je vous défends de répondre, espèce de naine. » Isméris cria « Mon gnouf !» C'était un mot dont nous nous servions entre nous et qui voulait dire « Regarde mon nez si je t'écoute. » Sœur Marie-Aimée s'élança vers le martinet. Je tremblais pour le petit corps d'Isméris, mais elle se jeta à plat ventre en gigotant et en se tordant avec des cris bizarres. Sœur Marie-Aimée la poussa du pied avec dégoût. Elle dit en lançant le martinet au loin « Quelle affreuse petite créature !» Dans la suite, elle évitait de la regarder et ne paraissait pas entendre ses insolences. Toutefois, elle nous défendait sévèrement de la porter sur notre dos. Cela n'empêchait pas Isméris de grimper après moi comme un singe. Je n'avais pas le courage de la repousser, et en me baissant un peu, je la laissais s'installer sur mon dos. Cela se passait surtout en montant au dortoir. Elle avait une grande difficulté à enjamber les marches. Elle en riait elle-même. Elle disait qu'elle montait comme les poules. Comme sœur Marie-Aimée était toujours en avant, je tâchais de me trouver dans les dernières. Il arrivait parfois qu'elle se retournait brusquement. Alors Isméris glissait le long de moi avec une rapidité et une adresse étonnantes. Je restais toujours un peu gênée sous le regard de sœur Marie-Aimée, et Isméris ne manquait jamais de me dire « Tu vois comme tu es bête, tu t'es encore fait prendre. » Elle n'avait jamais pu grimper sur Marie-Renaud, qui la repoussait toujours, en disant qu'elle usait et salissait nos robes. Si Isméris était bavarde, par contre Marie-Renaud ne causait jamais. Chaque matin, elle m'aidait à faire mon lit. Elle passait soigneusement ses mains sur les draps pour lisser les cassures. Elle refusait obstinément mon aide pour faire le sien, prétendant que je roulais les draps n'importe comment. J'étais toujours stupéfaite de voir que son lit n'avait aucun désordre à son lever. Elle finit par me confier qu'elle épinglait ses draps et ses couvertures après son matelas. Elle avait une quantité de petites cachettes pleines de toutes sortes de choses. À table, elle mangeait toujours un bout de dessert de la veille. Celui du jour restait dans sa poche. Elle le caressait et en mangeait un petit morceau de temps en temps. je la trouvais souvent dans les coins en train de faire de la dentelle avec une épingle. Sa plus grande joie était de brosser, plier et ranger. Aussi, grâce à elle, mes souliers étaient toujours bien cirés et ma robe des dimanches soigneusement pliée. Cela dura jusqu'au jour où il vint une nouvelle bonne, qui s'appelait Madeleine. Elle ne fut pas longtemps à s'apercevoir que je n'étais pour rien dans le bon arrangement de ma toilette. Elle se mit à crier en me traitant de mijaurée, de grande fainéante, disant que je me faisais servir comme une demoiselle, et que c'était honteux de faire travailler cette pauvre Marie Renaud qui n'avait pas de liard de vie. Bonne Néron se mit d'accord avec elle pour dire que j'étais une orgueilleuse, que je me croyais au-dessus de tout le monde, que je ne faisais jamais rien comme les autres, qu'elle n'avait jamais vu une fille comme moi et que j'étais dépareillée. Elle criait toutes deux à la fois en se tenant penchées sur moi. Je pensais à deux fées braillardes, une noire et une blanche. Bonne Néron, si haute et si noire, et Madeleine, si blonde et si fraîche, avec de grosses lèvres ouvertes, ses dents si écartées et sa langue large et épaisse qui remuait et poussait de la salive au coin de sa bouche. Bonne Néron leva la main sur moi et dit « Voulez-vous baisser les yeux ?» Elle ajouta en s'éloignant « C'est qu'elle vous fait honte quand elle vous regarde comme cela. » Je savais depuis longtemps que Bonne Néron ressemblait à un taureau. Mais il me fut impossible de trouver à quelle bête ressemblait Madeleine. J'y pensais pendant plusieurs jours, en repassant dans ma tête le nom de toutes les bêtes que je connaissais, et je finis par y renoncer. Elle était grasse, et elle marchait en fléchissant les reins. Elle avait une voix perçante, qui surprenait tout le monde. Elle demanda à chanter à la chapelle, mais comme elle ne savait pas les cantiques, sœur Marie-Aimée me chargea de les lui apprendre. Marie Renaud put recommencer de brosser et plier mes habits sans que personne eût l'air de s'en apercevoir. Elle était si contente qu'elle me fit cadeau d'une épingle double pour attacher mon mouchoir, que je perdais toujours. Deux jours après, j'avais perdu l'épingle et le mouchoir. Grosse mouchoir, quel cauchemar épouvantable! Maintenant encore, quand j'y pense, une angoisse me prend. Pendant des années, je perdis régulièrement un mouchoir par semaine. Sœur Marie-Aimée nous remettait un mouchoir propre contre le sale que nous jetions à terre devant elle. J'y pensais seulement à ce moment-là. Alors je retournais toutes mes poches. Je courais comme une folle dans les dortoirs, dans les couloirs, jusqu'au grenier. Je cherchais partout. Mon Dieu, pourvu que je trouve un mouchoir! En passant devant la Vierge, je joignais les mains avec ferveur. Mère admirable, faites que je trouve un mouchoir! Mais je n'en trouvais pas, et je redescendais, rouge, essoufflé, penaude, n'osant pas prendre celui que me tendait sœur Marie-Aimée. J'entendais d'avance le reproche si mérité. Les jours où je n'entendais pas de reproche, je voyais un front plissé, des yeux courroucés qui me suivaient longtemps sans se détourner. J'étais si écrasé de honte que je pouvais à peine lever les pieds. Je marchais, tout effacé, sans remuer le corps. Et malgré cela, je perdais encore mon mouchoir. Madeleine me regardait avec un air de fausse compassion, et elle ne pouvait pas toujours s'empêcher de me dire que je méritais une sévère punition. Elle paraissait très attachée à sœur Marie-Aimée. Elle la servait attentivement et fondait en larmes au moindre reproche. Elle avait des crises de sanglots que sœur Marie-Aimée calmait en lui caressant les joues. Alors elle riait et pleurait tout à la fois. Elle avait un mouvement des épaules qui laissait voir son cou blanc et qui faisait dire à Bonne Néron qu'elle avait l'air d'une chatte.